Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la loi et la prostitution au Canada. Ce que ça fait pour nous, c'est que ça va désormais nous permettre de s'organiser pour travailler en sécurité, en santé puis avec dignité. Donc les lois qui étaient en place nous empêchaient notamment de travailler de l'intérieur, de créer les conditions gagnantes pour assurer qu'on soit en sécurité comme travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe crient victoire en décembre 2013 quand la Cour suprême du Canada juge inconstitutionnelle les principales dispositions de la loi encadrant la prostitution au pays. La Cour donne un an au gouvernement pour réécrire la loi. Ce jugement remet en quelque sorte le compteur à zéro en matière de législation encadrant la prostitution au Canada. Rachel Chagnon, vous êtes professeure au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, directrice de l'Institut d'études et de recherches féministes à l'UQAM. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On va faire avec vous, au fond, la chronologie de cette législation encadrant la prostitution au Canada. Mes premiers constats assez généraux, ce qui est assez flagrant quand on regarde ce dossier-là, c'est que les motifs pour lesquels on s'attaque à la prostitution aux prostituées, il faut bien être clair, c'est ça tout le temps, ils changent ces motifs-là au cours de l'histoire. Si on revient dans le temps, le premier motif qui a amené vers un resserrement des règles entourant la prostitution, ça a été beaucoup la moralité et le contrôle social. Mmh. C'est quelque chose qui apparaît à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. S'ajoute à ça par la suite d'autres préoccupations, santé publique beaucoup, mais santé publique, c'était une trame aussi qui faisait partie un peu de tout le discours anti-prostitution, hein, qu'on peut remonter dans l'Église du 15e siècle. Il y avait déjà des enjeux de santé publique. Mais à partir du 20e siècle, la question... Maladie, transmise sexuellement, exactement. Mais plus que ça, une espèce de saleté, là. Il y a quelque oui, chose... Oui, ben le sexe pour le plaisir, là, c'est, ouais. C'est vénal, ouais. c'est malsain, c'est vu comme quelque chose qui peut même être psychologiquement dangereux pour surtout les jeunes hommes, hein, parce que c'est eux qui vont être les premières victimes de ces femmes séductrices que sont les prostituées. Et donc, il y a cette idée-là, mais la moralité est jamais très loin derrière. Mm-hmm. Le discours dominant ou le discours qu'on sert change, mais derrière ce discours-là, il y a toujours eu un enjeu de notre rapport à la prostitution, de notre rapport au sexe pour le plaisir ouais. et de la moralité. Au fond, on développe un argumentaire, mais la pulsion est enfin, puis on va le voir avec vous, est pas mal toujours la même, là, celle qui mène à combattre la prostitution. Il y a eu un renversement des choses plus récentes où la moralité commence à prendre moins de place, mais pendant très longtemps, ça a mm-hmm. été vraiment la question dominante. Mais je suis d'accord avec vous que les arguments qu'on donne, eux évoluent dans le temps, puis ils essayent de s'adapter aussi au monde qui reçoit les arguments. Là. Donc, commençons peut-être cette chronologie. Vous l'évoquiez avec le 19e siècle. Au Canada, en tout cas, quand on parle de prostitution au 19e siècle par rapport à un cadre législatif, on est vraiment dans des vestiges de vieilles lois anglaises. Là, on parle de vagabondage. C'est là-dedans. Là, ça commence dans ces termes-là. Bien, c'est ça qui, au début, dérange. Il y a tout un mouvement hein, à partir du 19e siècle qui est l'émergence de la bourgeoisie libérale. Les bourgeois, ce sont des gens qui s'identifient, en fait, qui se distinguent de l'ancienne classe dominante, qui était la classe aristocratique, par leur moralité. Donc, les bourgeois, eux, ne sont pas nés avec un droit inné au pouvoir, contrairement aux aristocrates qui, eux, c'est Dieu lui-même hein, qui est descendu puis qui leur a dit régner. Les bourgeois doivent justifier, en quelque part, leur rapport au pouvoir et leur émergence à titre de groupe dominant. Et eux, ça passe beaucoup par la moralité. Eux, ils ne sont pas comme les aristocrates. Ils ne sont pas des cadres. Ils sont moraux. Ils ont de l'étiquette. Ils savent vivre. D'ailleurs, toutes les lois sur l'étiquette, ça commence avec la bourgeoisie. Donc, c'est intéressant parce que cette expression, pourtant, hein, qui dit « noblesse oblige », mais non, pas du tout, en fait. On est dans ces convenances et ce devoir d'exemplarité, c'est la bourgeoisie. C'est tout à fait bourgeois. Oui, c'est exactement. Et en se le donnant à elle, elle le donne aux autres. Parce qu'en se contrôlant elle-même et en se modelant elle-même à partir de ce principe de la moralité, elle va s'intéresser à une autre classe émergente qui est la classe ouvrière. Et là, la classe bourgeoise trouve que la classe ouvrière, elle n'est pas morale. elle est désordre. Il faut la réguler. Et va apparaître toutes les mesures de régulation sociale. Et la prostitution fait partie de ces choses-là qu'on veut se mettre à réguler parce que s'il y a quelque chose qui fait désordre, c'est la prostitution. C'est le sexe pour le plaisir, c'est la jeunesse corrompue, c'est bon. Et on peut en rajouter encore et encore. Et les premières règles et les premières lois anti-prostitution, en fait, les premières mesures anti-prostitution, ce sont les mesures qui concernent le vagabondage exactement pour ces raisons-là. Mm-hmm. C'est du contrôle social qu'on exerce sur les femmes parce que ça donne le droit aux policiers d'arrêter des femmes à partir de certaines heures. Et si ces femmes-là ne peuvent pas donner une bonne raison d'être dans l'espace public, on peut les arrêter. Mm-hmm. Donc, une femme marche sur le trottoir, passé une certaine heure du soir, elle est dans la rue, elle ne devrait pas être là, c'est une prostituée. Et donc, tout de suite, la femme qui sera la cible de ces législations, puis ça changera pas beaucoup. Mais en 1913, quand même, il y a une loi qui, on parlait d'argumentaire au tout début de notre entretien, l'argumentaire déjà au 19e siècle, c'était de protéger femmes et enfants, même si c'est aux femmes qui se livrent à la prostitution qu'on s'attaque. La loi de 1913 va un peu plus loin. Ça va être encore les femmes qui vont faire les frais, mais en tout cas, dans l'intention du législateur, on commence, ça c'est un changement important, à cibler ceux qui profitent autour de la prostituée, proxénète, maison de débauche. Ça, c'est un apport beaucoup des premiers mouvements féministes abolitionnistes, qui, il faut le dire, sont des mouvements qui sont souvent dirigés par d'anciennes prostituées. Donc, ce sont des femmes qui se sont prostituées à certaines époques de leur vie, mais qui, quand même, étaient des femmes qui avaient eu accès à l'éducation, qui savaient lire et écrire, donc qui possédaient plus de moyens et qui, il y a deux cas, et qui vont... Ensuite, avec l'aide des femmes de la haute bourgeoisie, vont se lancer dans des campagnes pour dénoncer le fait qu'on condamne les femmes, mais qu'on ne parle jamais des hommes. Et que pourtant, c'est les hommes qui en profitent le plus et non pas les femmes. Et elles vont dénoncer ça et elles vont dénoncer ce qu'elles considèrent être l'exploitation des femmes dans la prostitution. Et c'est quand elles parlent d'abolitionnisme, bon, c'est une référence pas très subtile au mouvement abolitionniste contre l'esclavage aux États-Unis, mais c'est pour dire on doit abolir. Elles, à l'époque, ce qu'elles veulent abolir, c'est la réglementation contre les femmes dans la prostitution. Donc, le premier sens du mot abolitionnisme ou abolitionniste, c'est on veut abolir la criminalisation des femmes prostituées. Et leur discours va passer à moitié, en quelque sorte, parce que le gouvernement va entendre toute la partie du discours qui concerne l'exploitation des hommes qui profitent de la prostitution, qu'on va identifier vraiment comme étant les proxénètes, les clients, c'est la nature humaine, que voulez-vous. Donc, ce sont les proxénètes qu'on voit comme des hommes qui ne sont pas des bons citoyens parce qu'ils ne gagnent pas leur vie par eux-mêmes, mais qu'ils vivent aux dépens des femmes. Et que cette loi, donc, va cibler directement la loi de 1913, mais encore une fois, dans les faits, ce sera encore une fois surtout les femmes qu'on arrêtera, auxquelles la police s'en prendra. Je ne vous surprendrai pas, Rachel Chagnon, si je vous propose d'entendre un extrait d'une entrevue accordée par Pax Plante. Il accorde cette entrevue en 54. Évidemment, c'est Monsieur Moralité, Pax Plante, à Montréal, chef de l'escouade de la moralité. Tout d'abord, j'ai fait une enquête personnelle en 1948. J'ai voyagé d'une côte à l'autre. Halifax à Vancouver, j'ai passé 8 mois. Et j'ai rapporté la certitude qu'aucune des villes du Canada n'avait approché, je dirais, à 100 lieues de Montréal en ce qui concerne... ces maisons-là. Jamais le vice commercialisé ne s'est affiché dans les autres villes du Canada avec autant d'effronterie qu'à Montréal. C'était réellement la métropole du vice. Montréal, Rachel Chagnon, métropole du vice. Est-ce que dans les faits, ces années 40 et 50 dont nous parle Pax Plante, est-ce qu'il y a beaucoup plus de prostitution à Montréal qu'ailleurs au Canada ou aux États-Unis? Ça reste à démontrer parce que quand même, Toronto était aussi une plaque tournante assez importante. Toutefois, Montréal avait cette réputation-là d'être une ville où on pratiquait beaucoup plus la joie de vivre. Montréal va avoir... Montréal, ville ouverte, oui, c'est l'expression que Pax Plante utilisera. Exactement. Puis bon, lui, il défendait son fonds de commerce aussi un peu, il faut le rappeler. Mais Montréal a cette réputation-là d'être la plus latine des villes du Canada. C'est une ville qui est plus sophistiquée, en quelque part, que la très victorienne Toronto, mm-hmm. qui est une ville un petit peu plus collet-montée. Donc, c'est pas qu'une lubie, là. C'est pas qu'une lubie. Il y a des différences. Est-ce que ça se traduisait vraiment par un nombre plus grand de personnes dans la prostitution? Ça reste à démontrer. Montréal est une ville qui est beaucoup plus industrialisée. C'est la métropole du Canada. Donc, c'est la ville la plus industrialisée du Canada. C'est la ville qui attire les gens qui veulent sortir de la pauvreté le plus. Donc, c'est la ville qui va être appelée à recevoir le plus de personnes qui vont vivre de la prostitution, parce que souvent, tout vient ensemble. Est-ce que c'était si extraordinairement plus grand? Ça reste à voir. En tout cas, l'action de Pax Plant, elle fera histoire. On en parlera beaucoup. Elle sera éclatante. Et la police, de fait, à Montréal comme ailleurs, continue de s'occuper de cette problématique de la prostitution. Mais sur le plan légal, en fait, le prochain grand rendez-vous, c'est quand même seulement le début des années 70, 1972, avec une loi qui va être vraiment importante, Rachel Chagnon, la loi sur la sollicitation. Mm-hmm. On peut dire que c'est un tournant? Oui et non, parce que faut comprendre que avant les mesures concernant la criminalisation de la sollicitation avait toujours été stigmatisée. Elle était davantage par le biais de la réglementation municipale. Mais c'est certain que il y avait toujours eu une certaine tolérance à l'égard de l'existence dans le paysage de certaines formes de prostitution. Puis il faut dire qu'on a toujours eu un rapport très complexe à la prostitution au Canada, parce que ça, il faut le souligner, ça n'a jamais été criminalisé. Mm-hmm. Et on criminalise... L'acte comme tel. Non, c'est exactement, l'acte n'a jamais été criminalisé. Ouais. Ce qui nous dérange, c'est ce qui l'entoure. Et 72, ben, c'est vraiment l'affirmation que là, ça nous dérange un peu plus que ça nous dérangeait dans le passé. Un débat juridique, assez hallucinant. D'abord, sur qui sollicite qui? Déjà, il y aura un débat, là. Oui. Est-ce que c'est une sollicitation en sens unique? Ou si un client peut aussi être accusé d'avoir sollicité? Mais on va être là-dedans, là. Et les jugements vont être complètement contradictoires. C'est un peu la folie, là, à ce moment-là. Oui, ben c'est parce qu'on rentre dans quelque chose qui est tellement subjectif, puis on rentre dans quelque chose qui est tellement arbitraire, que là, ça devient très difficile pour les tribunaux de trancher. Puis surtout le fait que il y a quelque chose de profondément inéquitable, parce que c'est pas le client. Donc, tant que c'est le client qui sollicite, il n'y en a pas de problème. Mm-hmm. C'est que le client demande à une femme, est-ce que tu peux faire, tu sais, moi, est-ce que tu ferais ça pour moi? C'est pas criminel. Ce qui est criminel, c'est qu'une femme offre quelque chose à un homme. Donc, il y a quelque chose de profondément inéquitable là-dedans, parce qu'en moyenne défense, on peut plaider la provocation. Donc, si c'est l'autre personne qui est venue me voir puis qui m'a dit, mais c'est lui qui me l'a offert en premier, mm-hmm. c'est lui qui me harcelait avec ça, puis j'ai fini par y répondre, est-ce que c'est toujours... En tout cas, bref, entendre, on voit bien le genre de débat que va amener cette fameuse loi de 72. Puis la prostitution redevient, en fait, un enjeu d'affaires publiques. Oui, ça redevient visible. Exactement. Extrait là-dessus, vous allez voir, des auditrices, en fait, qui répondent en tribune téléphonique aux questions d'André Payette en 1974. André Payette qui demande à ses auditeurs, est-ce qu'on doit légaliser les bordels? D'abord, ces filles-là, naturellement, moi, ils me font pitié puis ils me dégoûtent, même pour un gros salaire. Savez-vous, si j'avais à choisir à un homme, moi, j'aimerais mieux y donner raison à un homme qui aurait une maîtresse, malgré je pense à faveur de ça, qui aurait une maîtresse que plutôt que de fréquenter ces prostituées-là. Oui, madame, bonjour. Bonjour, M. Payette. Bonjour, madame. Savez-vous, moi, franchement, je serais en faveur, oui, qu'on ouvre des maisons qu'on appelle bordel, là, mais qui seraient bien contrôlées par le ministère de la Santé, que ça serait visité souvent. Parce que, voyez-vous, d'abord, c'est un mal nécessaire, la prostitution. Et puis, ça, je trouve que ce serait un moindre mal. C'est éloquent, ce qu'on entend. De fait, ça se place où? Comment l'opinion publique va réagir au fil du temps? Est-ce qu'il y aura une grande évolution? Là où les choses commencent vraiment à bouger, c'est vraiment à partir des années 60, à partir de la révolution sexuelle. Puis, en fait, il y a deux révolutions à partir des années 60. Il y a la révolution sexuelle où là, tout d'un coup, on libère la sexualité de ses fonctions de reproduction. Puis, Master and Johnson découvre que même les femmes ont du plaisir. Puis là, maintenant, tout le monde a le droit au plaisir. Et là, c'est un phénomène nouveau là, dans l'histoire de nos sociétés. Et il y a aussi tout l'enjeu de l'égalité homme-femme qui devient un phénomène émergent. bon, c'est un enjeu, ça fait déjà un certain nombre d'années, mais là, on rentre dans une ère où les femmes commencent à occuper de plus en plus l'espace public, puis on voit les femmes dans des rôles différents, on commence à avoir un regard différent sur les femmes, où les femmes ne sont pas seulement la mère ou la putain, que là, tout d'un coup, elles ont un espace d'autonomie, de liberté, elles peuvent faire entendre leur voix. Et les femmes dans la prostitution vont aussi faire entendre leur voix parce qu'il y a des mouvements, il y a de l'émergence des mouvements de revendication des femmes travailleuses du sexe qui commencent aussi dans ces années-là, beaucoup plus en Europe. En Europe, il va y avoir les premiers grands mouvements, puis il va y avoir des regroupements, des tentatives de syndicalisation des femmes dans le travail du sexe. Puis ces mouvements-là vont avoir des répercussions aussi au Québec et au Canada. Donc, il y a toute cette espèce de vision moderne, mm-hmm. changeante du rôle des uns et des autres et de la sexualité et de la prostitution qui est confrontée aussi à l'image classique qu'on a de la prostitution. C'est un nouveau discours, c'est un peu une révolution. Je vous propose d'entendre un extrait d'une entrevue, en fait, qu'accordait Diane, une femme qui donc vit de la prostitution depuis 9 ans. Elle accorde une entrevue, c'est à la fin des années 70, à l'animateur Gilles Goujon. Diane, quand on vous dit que vous êtes une prostituée, oui. Est-ce que ça vous choque? Non, j'en suis fière de mon métier. Vous dites de votre métier? Oui, parce que je trouve que ce n'est pas un crime, s'il n'y a rien que je fais de mal, c'est des affaires que je fais du bien. Et j'en ai pas honte du tout. Et j'adore ce métier. Et je voudrais que ça devienne une affaire très respectée. Et je pourrais enseigner des filles comment faire de la prostitution, comment rendre un client heureux, leur montrer mes expériences, leur conter mes expériences que j'ai eues, et aussi leur aider de ne pas rentrer là-dedans si ce n'est pas leur genre. S'ils ne sont pas faits pour ça, je dis, fais-le pas. Mais si tu es capable de le faire, fais-le bien. Ça, c'est le début. C'est le début d'un discours qu'on va entendre, qu'on entend encore aujourd'hui. Je pense à Montréal, par exemple, une organisation comme Stella. Mm-hmm. Il y a une droite ligne, là. En tout cas, on vient l'entendre. Oui. C'est probablement l'une des premières, à ce moment-là, à tenir ce genre de discours, Diane, qui parle à Gilles Goujon. Disons que c'est un discours qui a commencé à émerger à partir des années 60, mais plus en Europe, puis qui nous rejoint ici un peu plus tard, il faut le dire, et qui est un discours, il faut comprendre que la prostitution, c'est un grand prisme. Hein. Il y a des catégories dans la prostitution, il y a des personnes qui tirent très bien leur épingle du jeu, et ces personnes-là vont réussir à émerger dans l'espace public. Ce sont des personnes, bon, ce sont le plus souvent des femmes, mais il y a des hommes aussi, qui sont articulés, qui sont éduqués, qui choisissent en quelque part mm-hmm. la prostitution, parce qu'ils ont des choix devant eux, et ces gens-là vont réussir, parce qu'on vit aussi dans un monde de médias, on vit dans le monde des médias, on vit dans le monde de la communication, on vit dans le monde de l'image, et Dieu sait que s'il y a quelque chose qui est sexy et qui attire, et que c'est on peut aller chercher un espace public, on peut aller chercher un espace pour justement porter notre discours, c'est le milieu de la prostitution. Le travail du sexe, on l'a vu il y a quelques années avec cette ancienne call girl qui avait publié un livre, puis que tout de suite, elle a été invitée à Tout le monde en parle. Oui. Et tout ça, il y a quelque chose de... C'est possible pour des personnes intelligentes, puis articulées, puis qui savent ce qu'elles veulent, d'aller chercher cet espace-là, puis on va le voir émerger avec des groupes de femmes qui défendent le travail du sexe. On le voit avec Stella. Il y a, à l'autre opposé du prisme, il y a tout un phénomène aussi d'exploitation des femmes à travers la prostitution mm-hmm. qui est très glauque et qui est très triste. Et c'est difficile de faire le départage, Rachel Chagnon. Puis de fait, vous parliez au tout début de notre entretien de cette préoccupation, de cette question de moralité, en fait, qui sera toujours présente quand on parle de la prostitution. Puis je suis curieux de vous entendre sur le nouvel argumentaire, celui qui est le plus fort, c'est l'argumentaire féministe, c'est l'argumentaire de combattre l'exploitation de la femme. Mais là, c'est difficile de faire le départ. Est-ce qu'on est encore dans la moralité? Est-ce que quand on entend ces filles de Stella, belles, qui s'expriment très bien, nous dire c'est un libre choix, est-ce qu'on n'est pas un peu aussi dans l'exception ou dans le délire? C'est très difficile à départager parce que autant de part et d'autre, comme je vous ai dit, il y a vraiment Il y a une polarisation et il y a des positions qui sont pas réconciliables. Dans le discours abolitionniste, il y a un discours qui est vraiment, c'est le descendant des discours radicaux matérialistes, qui sont pas des discours moraux dans le sens chrétien du terme, mais qui sont des discours sur vraiment l'idée de l'exploitation des classes. Mm-hmm. Et dans ce discours radical-là, qui est un discours qui est aussi le discours communiste, le problème de la prostitution, c'est le problème des dominants qui cherchent à s'approprier le corps des dominés. Puis là, vous avez vraiment... Puis là, vous n'êtes pas dans la morale judéo-chrétienne. Là. Vous êtes vraiment dans l'idée du rapport de domination. Mais ça, ça se mêle avec la morale chrétienne. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit chez les abolitionnistes, c'est des communistes radicales qui sont main dans la main avec des chrétiennes évangélistes, mm-hmm, dans le même discours. Donc ça, c'est assez problématique. Et de l'autre côté, c'est problématique aussi pour les gens qui sont pro-travail du sexe, parce que dans cette position-là, il y a des gens qui le réfléchissent d'une manière rationnelle et même féministe dans certains de ces extrêmes, où là, on dit on est dans le pôle de la liberté. Le pôle abolitionniste est dans le pôle de l'égalité. Lui, c'est vraiment la question de l'égalité homme-femme et comment on arrive à cette égalité-là. Le pôle pro-travail du sexe est dans le pôle de la liberté. Lui, c'est vraiment la libération des femmes, ouais, et de leur corps. Et là aussi, celles qui sont vraiment dans un discours féministe aussi radical d'une certaine manière, se mélange avec des gens qui ont une approche de la prostitution qui est purement de profit économique. Mmh. Et voilà, c'est complexe. Je commençais cette émission avec cette nouvelle, ce jugement de décembre 2013 qui a vraiment été, je disais, on met les compteurs à zéro. Là. On dit au gouvernement, vous avez une année pour écrire votre loi. Il y a une nouvelle loi qui a été écrite. Je ne sais pas où ça va nous mener. Où ça va nous mener, de fait. Et l'importance de ce jugement-là, puis ses suites. Disons que là, le gouvernement conservateur a déposé une loi qui se voulait une loi inspirée de ce qu'on appelle le modèle suédois ou le modèle scandinave, qui est une proposition plus proche de la tendance abolitionniste, en ce que on est dans le pôle de l'égalité, où là, on regarde la prostitution, surtout dans le phénomène d'exploitation qui vient avec la prostitution. Donc, on va s'intéresser à la prostitution, mais à la prostitution où on remarque une exploitation particulièrement des femmes, où là, on voit des personnes fragilisées qui viennent de milieux moins favorisés, qui sont amenées dans ce système-là, mais pas nécessairement de leur plein consentement et qui n'en tirent pas de bénéfices réels. Et on va regarder les personnes qui choisissent de profiter de la prostitution, puis on va appeler ces personnes-là des exploiteurs. Mais le gouvernement conservateur étant ce qu'il est, il y avait quand même un enjeu de moralité assez fort. Et on l'a vu autant dans comment il a appelé la loi, les différents éléments, que dans certains éléments de la loi, d'ailleurs, qu'il est obligé de retirer, là, qu'il est obligé de retirer son projet de loi. Il y avait des trucs du style, on va décriminaliser la sollicitation, parce que ça, c'est un gros enjeu, parce que c'est là qu'on attaquait le plus les femmes, mm-hmm, c'était à travers ça. On va décriminaliser la sollicitation, mais pas la sollicitation faite devant des églises. Bon, ouais. Alors là, on est loin du modèle abolitionniste, puis on a quand même gardé ça, là. On peut pas solliciter à côté d'une école. Donc, on n'est pas dans le modèle rêvé des abolitionnistes, là. Loin de là, et c'est une loi qui ne réussit pas à faire son lit en quelque part, et c'est une loi dont on peut se demander, surtout parce qu'elle recriminalise la sollicitation en partie, si elle répondait vraiment à ce que demandait la juge McLaughlin dans Bedford. Mm-hmm. Et c'est peut-être aussi la plus récente loi, un prochain rendez-vous pour nous parce qu'on sent qu'il y aura contestation et puis qu'il y aura réécriture quelque part. Il y aura contestation parce que c'est... Elle appelle à ça. Rachel Chagnon, professeure au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, directrice de l'Institut d'études et de recherche féministe à l'UQAM. Merci beaucoup de cette entrevue. Merci, au revoir. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, à la réalisation Mathieu Beauchamp, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Suzy Houde, à la technique Guy Charbonneau. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.